Dixième station. Jésus est abreuvé de fiel et dépouillé de ses vêtements. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Enfin Jésus arrive au Golgotha, et ses ennemis lui donnent aussitôt du vin mêlé de fiel. Mais dès qu'il l'a goûté, il refuse de le boire. Alors on le dépouille de sa robe, on lui arrache ses vêtements, on le laisse exposé nu à la vue de tout le peuple. Quelle indignité, quel excès d'humiliation et de honte pour le Verbe fait chair. Ô mon Sauveur, pourquoi faut-il que vous soyez abreuvés de fiel et dépouillés de vos vêtements? Quels ennemis ont l'audace de vous soumettre à ces ignominies? Hélas, ne sont-ce pas mes péchés, qui sont pour vous le fiel le plus amer? Oui, c'est moi qui ai trempé vos lèvres dans le fiel des dragons, dans le venin des aspics. C'est moi qui vous ai dépouillé de vos habits, qui vous ai attiré cet opprobre sanglant. Et vous, ô Jésus, vous goûtez le fiel et vous en sentez l'amertume, pour expier mes sensualités et m'apprendre qu'il n'y a plus désormais pour moi de rémission sans un amer repentir. Toutefois, après avoir goûté ce funeste breuvage, vous refusez de le boire, parce que, si vous avez pris sur vous la peine du péché, vous n'avez pu néanmoins trouver en vous le moindre sujet de repentir, puisque vous êtes le Dieu saint. Vous subissez la honte de la nudité, pour expier mon amour-propre, et la fausse honte par laquelle j'ai si souvent prétendu cacher la malice et l'énormité de mes fautes. Vous m'apprenez que, si je ne mets mon âme à nu sous les yeux de votre ministre, je ne saurais obtenir ma guérison. Ô Jésus, ce n'est pas à vous. C'est à moi d'être abreuvé d'amertume et d'humiliation, puisque c'est moi qui ai péché. Oui, il est juste que je sois couvert de confusion, que la malice et la corruption de mon cœur se montrent dans toute leur nudité. De quel droit voudrais-je usurper la considération et l'estime, moi qui les mérite si peu? Je confesserai donc mon iniquité devant vous, Seigneur, et devant votre ministre. Je ne dissimulerai rien, je m'avouerai tel que je suis, m'accusant moi-même avec simplicité, en toute sincérité, révélant mes actions les plus secrètes et jusqu'aux plus intimes sentiments de mon âme. Je dirai mes fautes et leur nombre et leurs circonstances, sans excuse, sans déguisement, sans craindre l'humiliation et la honte, avec la ferme volonté d'exécuter tout ce qui me sera prescrit. Et maintenant, ô divin médecin de mon âme, c'est de vous seul que j'attends cet humble aveu de mes fautes et la grâce du repentir. Vous seul pouvez me faire sentir au cœur combien je vous ai offensé, quel est le nombre, la laideur, la grièveté, l'ingratitude de mes prévarications. Ô Seigneur, donnez-moi cette connaissance surnaturelle de moi-même et le courage de manifester ma conscience à votre ministre. Inspirez-moi une haine profonde de ma vie passée, une sincère et vive détestation de toutes mes fautes. Faites que je rejette loin de mon cœur toute affection au péché, que je le haïsse et le fuie comme le souverain mal, puisqu'il vous outrage, ô mon Dieu, et qu'il m'attirerait votre haine et vos éternels châtiments. Ô, puisse mon âme se briser de douleur, s'abîmer dans l'amertume de ses regrets, se nourrir de ses larmes parce que j'ai péché contre vous. Je vous ai repoussé loin de moi, ô Dieu d'amour, perfection souveraine. J'ai abusé de vos grâces, j'ai rendu inutile pour moi le fruit de votre sang. Ô Jésus, mon bon Rédempteur, néanmoins, par vos mérites infinis, ne permettez pas que je périsse, convertissez mon âme, changez ma volonté, pénétrez-moi d'une souveraine horreur pour mes fautes, donnez-moi le désir sincère, la ferme résolution de les éviter à l'avenir et de les confesser en toute humilité. Exercez envers moi votre infinie miséricorde, et faites que je vous aime de tout mon cœur, vous qui êtes la source de toute justice, l'auteur de la grâce, le sanctificateur des âmes, des justes et des pénitents, et la couronne de vos élus dans l'éternité. Dire à notre Père et un « Je vous salue Marie ». Mère sainte, accordez-moi cette grâce, imprimez fortement en mon cœur les plaies de mon Dieu crucifié. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, aujourd'hui et toujours, comme dès le commencement et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ainsi soit-il. Il est crucifié. Oh, faites-moi réellement pleurer avec vous, souffrir de sa douleur tant que je vivrai. Mère sainte, accordez-moi cette grâce, imprimez fortement en mon cœur les plaies de mon cœur crucifié.